Okay. Yesterday, we talked about that never true. Today, we will talk about the last or the fourth never truth with inside progress. Hier, nous avons parlé de la troisième noble vérité. Aujourd'hui, nous allons parler de la dernière noble vérité, la quatrième. Nous allons également parler des stades de progression vipassana. Qu'est-ce que la quatrième noble vérité? C'est la noble vérité du chemin qui mène à la cessation de la souffrance. Quel est ce chemin? C'est tout simplement le noble octuple sentier. Nous en avons déjà parlé. En tant que chemin du milieu, voie du milieu, pratique du milieu, nous en avons parlé déjà au début de la retraite. Mais pour vous remettre tout cela en mémoire, je vais commencer cet enseignement par un exemple, l'exemple de la maladie et de son traitement. Nous avons dit qu'il y a la maladie et il y a une cause à la maladie. Nous savons qu'il y a moyen de se guérir de cette maladie, qu'il y a l'extinction de la souffrance. Que devons-nous faire pour soigner cette maladie? Quels médicaments devons-nous prendre? Le médecin nous donne un médicament qui contient 8 ingrédients. Ce médicament, c'est le noble octuple sentier. La dernière des nobles vérités, c'est donc la quatrième, c'est le noble octuple sentier. Le Bouddha a découvert ce noble octuple sentier, il l'a lui-même pratiqué et en a obtenu les meilleurs résultats lorsqu'il est devenu un Bouddha. Ce chemin comprend 8 facteurs qui commencent par la compréhension juste et etc. Je vous ai déjà expliqué que lorsqu'on parle du chemin avec un grand C, on veut dire le chemin qui mène à Nibbana de façon tout à fait certaine. Donc, la quatrième noble vérité, ce chemin qui mène à la cessation de la souffrance, ne peut être réalisé qu'au moment de l'illumination. Ce n'est qu'au moment de l'illumination que quelqu'un peut être sûr d'atteindre Nibbana. La quatrième noble vérité, qui est la noble vérité du chemin qui mène à la cessation de la souffrance, autrement dit, le noble octuple sentier, appartient au moment précis de l'illumination. Au moment de l'illumination, et il y a quatre sortes d'illumination, les 8 facteurs de l'octuple sentier atteignent leur perfection. Ces 8 facteurs se manifestent ensemble et ont pour fonction de détruire complètement les impuretés mentales et également de prendre Nibbana comme objet. C'est cela le vrai chemin. Même si il s'agit du véritable chemin à ce moment-là, ce véritable chemin est en réalité l'aboutissement de quelque chose qui l'a précédé. Le moment de l'illumination ne dure qu'un très court instant, un instant qui est plus court qu'un billionième de seconde. Comment serait-il possible de développer les 8 facteurs à ce moment précis? En réalité, ces 8 facteurs ont été développés précédemment. Et pour pouvoir les développer à la perfection, il faudra passer par différents stades. Pour pouvoir arriver à ce stade, il faudra disposer d'une méthode. Je pense que je vous en ai déjà parlé. La première chose qu'il faudra faire pour développer le chemin, c'est d'avoir la compréhension juste. La compréhension juste, c'est essentiellement croire au karma et à ses résultats. Il faudra ensuite que nous nous purifions au niveau du comportement moral, en s'abstenant de tuer, etc. Il y a des gens qui prétendent que pour pouvoir pratiquer ce chemin, pour pouvoir pratiquer la méditation vipassana, il faut savoir certaines choses. Vous devez savoir en quoi consistent les 5 agrégats. Vous devez savoir en quoi consistent les 12 bases, les 18 éléments, les 20 facultés, les 4 nobles vérités, nama et rupa, Vous devez également savoir en quoi consiste l'enseignement des origines interdépendantes, etc. Ils prétendent que si vous ne connaissez pas tout cela au préalable, il est impossible de pratiquer Vipassana. Selon le vénérable Mahasi Sayadaw, ce dont les gens ont besoin pour pouvoir pratiquer ce chemin, c'est une connaissance livresque ou théorique assez superficielle. Ils doivent avoir entendu parler tout simplement de ce que le Bouddha nous dit, que les cinq agrégats sont impermanents, qu'ils sont souffrance et qu'ils sont insubstantiels. Cela suffit. Vous ne devez même pas y croire, vous ne devez même pas vous persuader que c'est la vérité. Il vous suffit d'en avoir entendu parler, de savoir que le Bouddha a annoncé que les choses étaient impermanentes, souffrances et insubstantielles. Ceci suffit. C'est la seule connaissance théorique que vous devriez avoir avant de commencer. Il faudra également que vous ayez entendu parler des quatre nobles vérités. La première, c'est la noble vérité de la souffrance. La deuxième, c'est la noble vérité de la cause de la souffrance. La troisième, c'est la cessation de la souffrance. La quatrième, c'est le chemin qui mène à la cessation de la souffrance. Lorsque vous pratiquez la méditation Vipassana, vous allez essentiellement pratiquer les deux premières nobles vérités, la noble vérité de la souffrance et la noble vérité de l'origine de la souffrance. C'est sur ces deux premières nobles vérités que vous travaillez lorsque vous pratiquez Vipassana. Vous observez en effet les phénomènes physiques et mentaux qui se manifestent à l'intérieur de vous. Ces phénomènes physiques et mentaux que vous observez sont précisément dukkha, la souffrance. Vous travaillez alors sur la première noble vérité. Au moment où vous observez les phénomènes, que vous pratiquez donc vipassana, à chaque instant, vous éradiquez la soif ou le désir. Vous travaillez alors sur la deuxième noble vérité. La troisième et la quatrième noble vérité ne sont pas des objets sur lesquels vous allez travailler au moment où vous pratiquez Vipassana. Vous ne pouvez travailler ces deux dernières nobles vérités qu'au moment de l'illumination, lorsque vous les expérimentez vraiment, que vous les réalisez clairement par vous-même. C'est donc cela que vous devez comprendre avant d'entamer la pratique. Lorsque vous pratiquez la méditation Vipassana, vous travaillez sur les deux premières nobles vérités. Les deux dernières nobles vérités, vous savez qu'elles sont bonnes et qu'elles devraient être réalisées. Vous devriez incliner votre esprit vers la réalisation de la troisième noble vérité par le développement de la quatrième noble vérité. Vous devez savoir tout ceci avant de vous lancer dans la pratique de Vipassana. Cela suffit. Lorsque vous pratiquez la méditation Vipassana et que vous en êtes encore au début, vous aurez beaucoup de difficultés avec votre esprit, avec les pensées, avec les distractions. La concentration ne sera pas bonne. Vous essayez de la développer. Au début donc, il est fort probable que la compréhension juste ne soit pas encore présente. La compréhension juste veut dire voir l'esprit et la matière de façon correcte. On voit que ces phénomènes physiques et mentaux apparaissent et disparaissent constamment, qu'ils sont impermanents, etc. Au tout début de la retraite, on ne comprend pas encore ces choses, la compréhension juste n'est pas encore là. Les autres facteurs, c'est-à-dire l'effort juste, l'attention juste, la concentration juste et la pensée juste vont fonctionner ensemble. La pensée juste, c'est le fait de diriger constamment l'esprit vers l'objet. Ces cinq facteurs fonctionnent ensemble lorsqu'on pratique la méditation Vipassana. Lorsque vous commencez à voir l'esprit et la matière de façon très claire, que vous commencez à voir la relation de causalité qui les unit, lorsque vous commencez à voir les apparitions et disparitions des phénomènes, l'impermanence des choses, pouvez-vous dire que le facteur de la compréhension juste s'est manifesté. Lorsque vous atteignez le stade où vous voyez clairement l'esprit et la matière, etc., ces cinq facteurs seront en harmonie. Ils rempliront chacun leur fonction propre. Lorsque ces facteurs fonctionnent ensemble, qui sont en harmonie et en équilibre, la méditation sera bonne. Vous avez une bonne concentration et les connaissances vipassana vont pouvoir se manifester les unes après les autres. Lorsque ces cinq facteurs ne fonctionnent pas correctement, que l'un, par exemple, soit plus développé que l'autre, la méditation ne sera pas bonne. Par moments, votre concentration faiblit. Il faut savoir que ce qui est important, c'est surtout l'effort et la concentration. Ces deux facteurs doivent être maintenus en équilibre. Ceci est très important pour la pratique de la méditation. Trop d'effort amène l'agitation et la concentration diminue. Trop de concentration amène la somnolence. Trop de concentration peut également vous rendre paresseux, vous ne voyez plus clairement les objets. Lorsque vous avez trop de concentration, vous ne devez plus faire tellement d'efforts et donc vous devenez paresseux et petit à petit, l'effort diminue, l'énergie diminue. Lorsque l'effort diminue, il faiblit de plus en plus, il devient insuffisant. Vous allez alors vous sentir somnolent ou quelque chose comme ça. Ces deux facteurs doivent donc être maintenus en équilibre lorsqu'on pratique la méditation vipassana. On appelle cela maintenir les facultés en équilibre. Vous allez progressivement développer votre pratique tout au long de votre cheminement vipassana. Vous allez passer par les différents stades de compréhension. Lorsque la méditation vipassana aura atteint son plein développement, elle va faire apparaître le moment de l'illumination. Au moment de l'illumination, les huit facteurs que vous avez développés tout au long de votre pratique vont devenir très puissants. Comme un éclair de lumière, ils vont tous ensemble détruire les impuretés mentales. Ceci va se produire au moment précis de l'illumination. Et en même temps, l'esprit va s'aligner sur Nibbana. C'est ainsi que la pratique va se développer. Je vais vous parler maintenant des différents stades de connaissance vipassana pour vous permettre d'évaluer par vous-même dans quelle mesure vous avez progressé en comparant vos expériences avec ce qui va être expliqué maintenant. J'ai été encouragé et heureux par les rapports de certains d'entre vous qui semblent avoir fait de bons progrès dans la méditation. Je vais vous parler tout d'abord de Nama Rupa Paricheda Jnana. Lorsque l'attention et la concentration se renforcent, que l'esprit est capable de se maintenir sur l'objet d'observation, vous voyez le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen. Vous voyez également les sensations désagréables qui se manifestent. Vous voyez votre corps qui transpire et vous pouvez noter ces sensations de façon énergique. Précédemment, vous n'étiez pas conscient des vagabondages de l'esprit, mais maintenant, vous en êtes conscient. Vous êtes parfois même capable de noter, penser, imaginer au moment précis où ces choses se manifestent en vous. Parfois, avant même que l'esprit ne se soit envolé, vous pouvez constater qu'il est sur le point de le faire. Lorsque tout cela se produit, cela veut dire que vous êtes devenu capable de faire la distinction entre l'esprit et la matière. C'est le signe que la sagesse vipassana, les connaissances vipassana, ont commencé à se développer. On appelle ce stade la compréhension analytique du corps et de l'esprit, en pali, nama rupa paricheda jnana. À ce stade, le yogi constate que son esprit voit les objets qui se manifestent à chaque instant. Il constate également qu'il n'y a à l'intérieur de lui que cela, l'objet et la prise de conscience de l'objet. Il ne voit rien d'autre qui ressemblerait à un être, à une personne, à une entité permanente. Si le yogi est capable de réaliser cela clairement et distinctement, au moment où il note, il sera très heureux de sa méditation. Comme je l'ai déjà dit, ce stade est appelé Namarupa Paricheda Jnana. En d'autres termes, la connaissance qui fait la distinction entre l'esprit et la matière. Le yogi est devenu capable de faire la différence entre les éléments physiques, de la rigidité et de la douceur par exemple, du mouvement, de la fluidité, de la cohésion, de la chaleur et du froid. Il voit ces choses distinctement. Il est également capable de distinguer les différents états d'esprit, comme le bonheur, la tristesse, l'ennui, etc. Cette compréhension lui vient du fait qu'il est constamment attentif. Il observe sans interruption les phénomènes physiques et mentaux qui se manifestent à chaque instant. Cette compréhension ne lui vient pas d'une spéculation intellectuelle. Il l'a réalisée dans sa propre pratique. Il ne comprend pas ces choses intellectuellement par la lecture de livres ou d'écoute d'enseignements. C'est une véritable connaissance pénétrante. En voyant ainsi que 100% de ces expériences ne sont jamais que des phénomènes physiques et des phénomènes mentaux, va permettre au méditant d'éradiquer temporairement la vue fausse qui lui fait croire en l'existence réelle d'un ego, d'un être, indépendant de ses phénomènes physiques et mentaux. Tant qu'il est capable de maintenir son attention, le doute dans le Dhamma ne se manifeste pas. Je vais maintenant vous parler de Pekeya Parigaha Jnana. Si vous continuez à pratiquer ainsi l'attention, que vous la maintenez de façon ininterrompue, la vision des causes et des effets, de la relation de causalité entre l'esprit et la matière va se produire. On appelle cela la connaissance des causes et des effets. Pekeya Parigaha Jnana. Vous êtes capable dorénavant d'être attentif à tout ce qui se manifeste en vous, à tout ce que vous faites et avant même que vous le fassiez. Par exemple, vous sentez un chatouillement quelque part sur le corps, alors que vous êtes occupé à observer les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Vous désirez vous gratter et vous notez cette intention. Vous notez ensuite le mouvement d'étirement du bras, toutes les actions de votre main. Avant de vous asseoir ou avant de vous mettre debout, vous êtes conscient de l'intention de vous asseoir ou de l'intention de vous mettre debout. Vous êtes donc devenu capable de voir l'intention de vous mettre debout avant que le mouvement n'ait lieu. Au moment de la marche, vous êtes capable de voir l'intention de lever le pied avant que le mouvement d'élévation du pied ne se produise. Vous voyez l'intention d'abaisser le pied avant que le mouvement d'abaissement ne se produise. De cette façon, vous devenez tout doucement conscient de la relation de causalité qui unit l'esprit et le corps. Et de plus, lorsque vous êtes attentif au fait de voir, vous réalisez que la cause pour la conscience visuelle, c'est la base sensitive de l'œil, la forme visible et l'attention que vous prêtez à ces choses. De la même façon, lorsque vous entendez un son, vous comprenez, vous voyez que l'audition dépend de la base sensitive de l'oreille, du son et de l'attention que vous y prêtez. Ceci sera tout particulièrement visible lorsqu'il s'agira de sons déplaisants, car vous ne pouvez pas les ignorer. Et tout ceci est valable pour les autres organes sensoriels. Le yogi observe donc les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen et son esprit se met à vagabonder. S'il ne note pas l'intention de vagabonder, il va se mettre à penser. Toutes sortes de pensées vont se manifester en lui. Parfois, il est capable de voir qu'il a l'intention de penser. Et il constatera que l'esprit reste alors sur les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, que les vagabondages ne se produisent pas. Le yogi comprend alors que c'est l'intention de vagabonder provoquée par l'attention incorrecte, en pali on parle de ayoniso manasikara, donc à cause de ayoniso manasikara, l'esprit vagabonde. Lorsqu'il réussit à noter cette intention de pensée, il a alors l'attention correcte, yoniso manasikara, et yoniso manasikara va faire que l'esprit ne va pas vagabonder. Parfois, le méditant aura l'impression qu'il n'a plus rien à observer. Les mouvements de soulèvement et d'abaissement sont devenus très subtils. C'est comme s'ils n'existaient plus. Le corps semble avoir disparu. Le yogi pourrait alors croire que tout ceci est dû au fait qu'il n'est pas encore devenu très habile dans l'art de noter et qu'il ne voit rien. À d'autres moments, il est capable de noter tout ce qui se manifeste. Et il comprend que la prise de conscience se manifeste tout simplement parce qu'il y a un objet à noter. Certains yogis vont voir des images de Bouddha, des images de moines. À ce stade, le yogi expérimente encore des sensations dans le corps. Le yogi à ce stade va également réaliser que les formations d'esprit et de matière qui se produisent de façon incessante, que toutes ces formations du présent sont conditionnées par un karma passé. Cette connaissance vipassana est à mettre en rapport avec le stade de purification appelé Kanka Vitarana Visuddhi, la victoire sur le doute. Ce stade et cette purification vont assurer une bonne renaissance à ce yogi. Il est devenu un Sotapanna junior, pourrait-on dire. Le yogi ne doit cependant pas se satisfaire de ce résultat, il doit poursuivre sa pratique. Cette connaissance va éradiquer la vue fausse selon laquelle les expériences que nous avons sont dues à une force extérieure. Le méditant, en effet, ne voit à l'intérieur de lui qu'une suite ininterrompue de causes et d'effets. Cette connaissance éradique donc l'idée fausse selon laquelle les choses se produiraient par hasard sans cause. Je vais poursuivre avec la troisième connaissance appelée Samasana Jnana. Le yogi poursuit donc sa pratique et il devient tout doucement capable de voir la dissolution de l'esprit et de la matière, de voir ces phénomènes du début à la fin. Il observe tous les phénomènes qui se manifestent, il observe son esprit qui se met à vagabonder, il note que l'esprit est en train de vagabonder et il voit immédiatement la pensée qui disparaît. Avant cela, il n'était pas en mesure de noter les pensées au moment précis où elles se manifestaient. Mais maintenant, il en est devenu capable. Il voit donc la pensée à son début, il voit son prolongement et il voit sa dissolution. Il voit tout cela de façon pénétrante. Et au moment où il marche, le yogi voit le pas qu'il observe disparaître avant que l'autre n'apparaisse. Chaque fois qu'il note un pas, un mouvement, comme par exemple l'élévation du pied, l'avancement du pied, l'abaissement du pied, il voit ces processus de façon distincte, séparés l'un de l'autre. Tous ces mouvements sont séparés l'un de l'autre. La nature temporaire des mouvements lui apparaît donc très clairement. Et c'est la même chose lorsqu'il observe les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Il comprend de façon très claire la loi de l'impermanence. Cette compréhension est appelée la connaissance par compréhension, en pali Samasana Jnana. Cette connaissance vipassana vous fait prendre conscience du caractère insatisfaisant, douloureux, conditionné et insubstantiel de tous les phénomènes. On l'appelle donc la connaissance par compréhension. On dit la connaissance par compréhension parce qu'elle va vous faire expérimenter et comprendre de façon répétée la nature de anicca, de dukkha et de anatta, qui sont les trois caractéristiques de l'existence, et vous venez de les découvrir. Anicca vipassana jnana, c'est donc voir l'impermanence dans tous les phénomènes qui apparaissent à la conscience de façon incessante. Cette connaissance éradique la vue fausse qui fait croire en la permanence des choses et elle atténue l'orgueil et la vanité. Dukkha vipassana jnana. À force d'observer la dissolution des objets et tout particulièrement la dissolution des sensations désagréables, le méditant comprend que tout cela est insatisfaisant et que le fait même de l'impermanence est quelque chose d'oppressant. Cette réalisation va s'accompagner de la compréhension qu'il n'est pas possible de trouver son bonheur ou un refuge dans des choses qui sont impermanentes, que cette impermanence était quelque chose d'effrayant et d'indésirable. Cette connaissance éradique également la vue fausse que on peut trouver à l'intérieur de l'impermanence quelque chose de satisfaisant. Anatta vipassana. En voyant que les objets qui sont impermanents et indésirables sont également incontrôlables, le méditant comprend qu'il n'y a aucune entité à l'intérieur de lui qui pourrait empêcher ces apparitions et disparitions des objets. Cette compréhension va éradiquer l'idée fausse qu'il existe bel et bien à l'intérieur de soi une essence permanente, que ce soit dans l'esprit ou dans le corps. Voyons maintenant Udayabhaya Jnana. Le méditant continue à noter et il va bientôt atteindre le stade de connaissance des apparitions et disparitions, en pali Udayabhaya Jnana. Son attention est devenue très vive et très aiguisé. Il ne fait pas d'effort particulier pour être attentif sans interruption. Chaque fois qu'il note, il voit l'objet disparaître. Il ne voit que des apparitions et disparitions. Il ne voit rien d'autre, rien entre ces apparitions et disparitions. À ce stade, le méditant peut voir des lumières extraordinaires, il peut devenir tout à fait joyeux et jubilant. Il sent son corps comme très léger. Parfois, il aura l'impression que son corps est soulevé de terre, qu'il flotte dans l'air ou à la surface des vagues. Il peut avoir des sensations de chair de poule dans tout le corps. À cause de toutes ces expériences très positives qu'il a à ce moment-là, à ce stade de compréhension, il va avoir un regain de foi. Ce regain de foi et de confiance va lui permettre de reprendre naissance dans les plans supérieurs. Il y a beaucoup de choses, d'expériences inhabituelles qui vont pouvoir être expérimentées à ce stade. Mais en réalité, ces expériences très positives vont devenir des corruptions de la pratique, des imperfections de la pratique, appelées en pali vipassanupakilesa. Même si ces expériences sont très plaisantes, le yogi doit continuer à noter, sans quoi sa progression va s'arrêter. À ce stade, il est donc très important qu'il ne s'attache pas à ces expériences extrêmement positive et agréable. En effet, étant libre à ce stade des sensations désagréables, le méditant n'expérimente que des sensations extatiques. Le yogi pense même qu'il a atteint Nibbana et il ne fait plus d'efforts. C'est pourquoi, à ce stade, il est nécessaire d'être très attentif, très prudent et de continuer à noter. Je vais parler maintenant de Bhanga Jnana. Le méditant poursuit sa pratique. ces sensations très agréables vont progressivement disparaître de son esprit. Le yogi ne voit plus que des disparitions, des dissolutions des objets. Il réalise ainsi la connaissance de la dissolution, Bhangajñāna. C'est comme si les phénomènes disparaissaient avant même qu'il ait eu le temps de les noter. Il observe les mouvements de soulèvement et d'abaissement. Le corps dans sa forme extérieure ne lui apparaît plus. Les objets d'attention disparaissent à l'endroit même où ils sont apparus. Et de plus, chaque fois qu'il note un objet, il constate que c'est l'objet noté et la conscience qu'il a noté qui disparaissent par paire. Il ne voit que la disparition de sa conscience qui note et de l'objet d'attention. Et il voit ces deux disparitions de façon séparée. Comme il ne voit plus que des dissolutions, le yogi n'éprouve plus aucun plaisir à expérimenter ces objets. Précédemment, il croyait que tout cela était agréable, que tout ce qu'il vivait était agréable. Mais maintenant, il voit clairement que tout apparaît pour disparaître l'instant d'après. Il voit les lacunes de ces choses. Et il comprend qu'il n'y a aucune raison de s'y attacher, car tout est impermanent, insatisfaisant et insubstantiel. Il ne croit plus en ces choses comme étant permanentes, agréables et substantielles. Il réalise ainsi la véritable nature de l'existence. Il comprend que tout est impermanent, insatisfaisant et non-soi. Cette compréhension, cette connaissance va permettre au yogi de surmonter de façon profonde l'illusion à la permanence, le caractère agréable et substantiel de l'existence. Le yogi va poursuivre sa pratique et tout cela va lui permettre de développer encore d'autres connaissances. Il ne voit plus que des dissolutions et il devient effrayé. C'est le stade de Bhayanjana, le stade de la peur. Il voit les lacunes de tous ces phénomènes physiques et mentaux qu'il observe. Ils ne durent pas. Il ne trouve plus rien de bon ni d'agréable. C'est la connaissance de la misère, Adinavanjana. Le yogi va ainsi devenir malade de l'existence. Il comprend qu'il n'y a rien à l'intérieur de lui qui ressemblerait à un je, à un tu, à une fille, à un fils. Il n'y a jamais que des agrégats d'esprit et de matière qui sont sujets à la dissolution. Il devient ainsi dégoûté et lassé des choses. Il réalise ainsi la connaissance du dégoût Nibbidhañāna. À ce stade, les yogis en général font de très longs rapports car ils ont l'impression que leur pratique s'est détériorée. Le yogi poursuit sa pratique, il continue à noter et il va bientôt ressentir le désir de délivrance par rapport à tous ces phénomènes psychophysiques. Cette connaissance est appelée la connaissance du désir de délivrance, Munsitu Kamyata Jnana. Voyons maintenant Sankarupeka Jnana. Sa concentration va se développer et le yogi va réaliser la connaissance de l'équanimité par rapport aux formations, Sankarupeka Jnana. À ce stade, il a repris son effort. Il reprend donc la pratique et après quelque temps, sans devoir faire aucun effort particulier, il devient capable d'être simplement conscient de tout ce qui se manifeste à chaque instant et de tout ce qui disparaît à chaque instant. Le yogi est devenu capable de rester dans cet état de contemplation pendant 2 ou 3 heures sans ressentir aucune douleur, aucune crampe, aucune chaleur. Il est libre des sensations douloureuses. Il n'a plus non plus de pensée dans l'esprit. Son esprit ne vagabonde plus. Son esprit, sa conscience attentive est fermement établie sur l'objet d'observation. Il peut noter facilement tout ce qui se manifeste à chaque instant sans devoir fournir d'efforts particuliers. Et s'il devait, malgré tout, noter un objet générateur de tristesse, par exemple, son esprit ne sera pas perturbé. Même s'il devait voir des objets désirables, générateurs de joie, ou penser à propos de choses agréables, il ne ressentira aucune sensation forte ni de joie ou de désir. C'est l'abandon du plaisir. À ce stade de réalisation, le yogi expérimente une paix mentale qui peut être comparée à celle de l'Arahan, de l'être parfaitement illuminé. C'est à partir de cet état d'extrême équilibre de l'esprit que cet esprit va pouvoir pénétrer dans la paix de Nibbana. Lorsque ce stade de connaissance aura atteint sa maturité, la connaissance de l'adaptation Anulomanyana va se manifester. Après Anulomanyana, le yogi verra Nibbana, c'est la connaissance du chemin et la connaissance du fruit. Cette connaissance va amener la cessation des phénomènes physiques et mentaux. C'est l'expérience que l'on appelle communément l'illumination. C'est une expérience qui transforme le yogi de façon irréversible. Selon le Bouddha, il y a 4 niveaux d'illumination. Et chacun de ces niveaux sera atteint après avoir franchi successivement toute la série des connaissances qui viennent d'être décrites. Le premier niveau d'illumination est appelé Sotapanna, celui qui est entré dans le courant. Cette conscience du chemin déracine les impuretés de la vue fausse, la vue qui fait croire en l'existence réelle du moi, le doute et l'adhérence aux pratiques erronées. Les kilesa qui sont susceptibles d'amener une renaissance dans les plans inférieurs et dans les enfers sont également déracinés. Cette renaissance dans les plans inférieurs ne peut plus avoir lieu. Les autres kilesa sont affaiblis. On dit que le Sotapanna ne reprendra plus naissance que 7 fois au maximum et toujours dans des plans supérieurs d'existence, comme il a fermé définitivement les portes des mondes inférieurs. Ce niveau d'illumination peut être atteint dans cette vie même, pourvu qu'on fournisse un effort vigoureux et continu pour développer notre attention dans la vie de tous les jours. Dans le Dhammapada, le Bouddha a dit « De tous les chemins, le noble octuple sentier est le meilleur. De toutes les vérités, les 4 nobles vérités sont les meilleures. Il y a toutes sortes de vérités. La vérité conventionnelle, la vérité ultime, les paroles vraies, les 4 nobles vérités. Parmi toutes ces vérités, le Bouddha nous assure que les 4 nobles vérités sont les meilleures. Ce n'est que par la réalisation des 4 nobles vérités qu'on pourra mettre fin à la souffrance. Le Bouddha n'a fait que découvrir ces 4 nobles vérités. Il ne les a pas créées. Elles étaient là pour être découvertes. C'est comme la loi de gravitation. La loi de gravitation n'a pas été créée par Newton. Elle était là depuis le début du monde. Newton n'a fait que la découvrir. De la même façon, le Bouddha n'a pas créé les 4 nobles vérités. Elles étaient là pour être découvertes. Le Bouddha est apparu, les a découvertes et les a révélées au monde. Le chemin vers la fin de la souffrance est long et pourra prendre plusieurs vies. Toutes ces vies vont donc se succéder en rapport avec le karma. Le désir, l'ignorance et l'illusion et tous leurs effets vont progressivement diminuer et le pratiquant va progresser sur la voie. That's all for today. So, by paying attention or listening to the talk in the Four Noble Truths, may you all be able to practice Vipassana meditation and go along the fourth noble truth, so that we carry out the second noble truth and fully understand the first noble truth and fully realize the third noble truth, which is the cessation of craving or the extinction of all suffering.